Bonsoir tout le monde, ici Last, et bienvenue pour cette event surprise. Bon, je dois vous avouer qu'au départ, on n'avait pas réellement prévu de faire un event, c'était plus une simple playlist, comme ça, pour rire. Mais finalement, on s'est pas mal impliqué dessus, et on s'est dit, bah autant faire profiter tout le monde, et voilà quoi. Plutôt que de vous annoncer le thème, à vous de le deviner grâce à l'énigme suivante. Attention, c'est parti. Un papa Yoshijun et son fils ont à tous les deux 36 ans. Sachant que le papa Yoshijun a 30 ans de plus que le fils, quel âge a le fils ? C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de... Au revoir. Non mais non, mais laissez-moi au moins terminer ce que j'ai à dire, j'ai même pas annoncé le thème. Bonsoir les amis du Blind Test, c'est Francis. Et oui, je me suis donc occupé avec l'as de cet événement surprise, qui sort un petit peu nulle part, je vous l'avoue. Mais... c'est-à-dire qu'un jour, on se faisait un petit peu chier, ce qui nous arrive souvent. Et je me mettais à modifier des musiques chantées, vous savez, pour qu'elles aient une espèce de voix à la con comme ça. En les accélérant, ou en les ralentissant. Et Last m'a dit, ouais, mais on pourrait en faire un event. Et du coup, bon, on s'en fout. L'important, c'est ce qu'on vous propose ce soir. Donc c'est un event composé de musiques de jeux vidéo essentiellement, mais dont la hauteur et la vitesse ont été modifiées par nos soins. À une exception près, mais vous verrez bien. Ce sera donc une playlist plutôt amusante, enfin on l'espère, qui nous permettra de voir des musiques que vous connaissez ou non, sous un angle plutôt fun pour certaines et un angle plutôt intéressant et nouveau pour d'autres. Donc voilà, ce sera tout pour moi en espérant que vous passerez un moment agréable. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Last. Voilà, bon jeu à tous.

like you. Maybe not. Soul Calibur 2. Thank you.